Kiss on Beats production. À toi mon poteau, j'espère que t'es bien là où t'es. En gaz on se l'envoie, ouais, pour tout oublier. Des problèmes dans la tête, pas un euro de côté. Le langage est cru, c'est notre façon de parler. C'est de la jungle, c'est la guerre, chez nous c'est la cité. Ça fait 4 bisous, puis ça te baisse en pitié. La tchatch des ratus, les chicots éclatés. Pétard sur pétard, aucune mentalité. Le cerveau en miettes, les darons paniqués. Ça tombe pour rien, ça fait récidiver. Des années enfermées, personne pour t'assumer. C'est la loi du plus fort, mais qui donc va gagner? Sauf le ton vieux, la rire qui tu crois effrayé. Tu parles de bécane, c'est même pas embrayé. J'ai le froid soleil levé que je commence à bailler. Je dors moins pour faire plus de billets. Je trace ma route, rien que j'entends qu'il parle de nous. Des larmes sur mes joues, mon frère, je pense à toi tous les jours. Tous les jours. Laisse-moi faire, je gère, je fais tout droit, rien à foutre du parcours. Du parcours. C'est la merde parfois, mais je sais que c'est pareil de partout. De partout. C'est l'allemand, je suis déter en pleine activité. Je veux le sommet, mais on m'a dit ça, il faut mériter. Quand je suis pas là, pareil que ça casse du sucre dans mon dos. C'est qu'il fait l'eau qui vient me voir pour dire la vérité. Ça rabat sur tout, du rail à la variété. Y'a tout ce qu'il faut, de la frappe et bien plus qu'en quantité. Si que je l'enlève de partout, gros, c'est la bonne qualité. Tape sur YouTube, y'a un peu de vue, ouais, si tu veux vérifier. En chien en mer, pour ça que les radis, ils vont se lever tôt. Ça fait chaos, pourtant ça pratique pas le karaté. Y'a cet terrain, ça recrute, ouais, pendant le mercato. Que de la bombe mexicaine, comme Chicharito. Tu portes tes couilles, tu veux tirer, mais il faut pas rater. Une occasion en or, il faut pas la gâcher. J'en connais plein qui sont tout seuls parce qu'ils ont pas prendre des râteaux. Je préfère tourner comme une jurave que gratter des galops. Je trace ma route, rien que j'entends qu'ils parlent de nous. Parle de nous. Des larmes sur mes joues, mon frère, je pense à toi tous les jours. Tous les jours. Laisse-moi faire, je gère, je vais tout droit, rien à foutre du parcours. Du parcours. C'est la merde parfois, mais je sais que c'est pareil de partout. De partout. Rappeler c'est dur, faut être fort, avoir du caractère. Ça serait mortel d'être connu jusqu'au Canada. Je suis chez l'euro, y'a plein de boulettes sur son canapé. Je suis comme Frank Dux, moi je le mérite le katana. Tu veux la bombe, la couleur, derrière les Canaries. On veut des sous, la richesse, derrière les Qataris. Tu nous balades tes conneries, va les faire à d'autres. Lyon qui joue une bonne cote, tu m'étonnes qu'on parie. Le shit est cher, c'est pour ça que ça augmente les tarots. Des brouillards, ça te fait une lame avec un carreau. Va chez Bush, tu vas ressortir la tête au carré. Au pire appel, y'a l'animal pour un TKO. Pour un TKO. Ouais mon gros, tu perds la boule, je te vois t'égarer. Fais ton numéro, tu le vois pas mais les gens peinent à te regarder. Je trace ma route, rien que j'entends qu'ils parlent de nous. Parle de nous. Des larmes sur mes joues, mon frère, je pense à toi tous les jours. Tous les jours. Laisse-moi faire, je gère, je fais tout droit, rien à foutre du parcours. Du parcours. C'est la merde parfois, mais je sais que c'est pareil de partout. De